Hors du langage, un territoire. Quatrième partie. Tracé. Avec les chants, les bruits, les murmures, les bribes, les souffles de Malika, Brigitte, Christophe, Gilles et Amar. Avec les paroles de Gisèle Durand et Jacqueline, cheville ouvrière de la tentative de Monoblet. Chantal et Claude Berton, parents de Christophe. Henriette et Jean Toche, parents de Gilles et membres de ses amotismes. Fernand de Ligny, dans les films de Renaud Victor, ce gamin-là est à propos d'un film à faire. Et avec l'eau des Cévennes. Ce gamin-là, qui n'est pas parlant, trace. Pendant des mois, sa main a tracé des ronds. Des ronds et rien d'autre. Elle en trace encore. Nous nous sommes mis à tracer nos mains suivant à la trace ce que nos yeux voyaient. Nos yeux, ce que notre regard était capable de voir. De saisir, de nous rapporter. Et voilà les trajets de ce gamin au cours d'une journée de septembre 1967. Il tourne. Il tourne soit sur lui-même, les mains dans le dos, l'une tenant l'autre, soit en courant, comme si quelqu'un était au centre de son manège, le tenant au bout d'une longe. Ça se dit qu'un gamin tourne mal. Lui, il tournait sans cesse, sur lui-même. Voilà ce que le langage nous fait dire. Il tourne sur lui-même. Mais si ce fameux lui-même est en fait absent, vacant, cet enfant-là tourne autour de rien, sur rien, éperdument, perdu. C'est donc qu'il le chercherait, ce lui-même, qu'il se chercherait. Nous n'avons pas pris cette piste-là. Ce gamin-là tournait, ni bien ni mal, au-delà, par-delà, le bien et le mal qui sont l'affaire de la parole. Ce que j'ai dit est rabâché. C'est nous qu'il cherche. Et nous, nous y étions là, proches, attentifs, étonnés, inquiets, émus. C'est le premier été, ça doit être vers 69, tout ça. On vivait déjà avec Jean-Marie depuis un moment, mais bon, tout ça, ça allait. Puis d'un seul coup, il y a affluence, si on peut dire, de gamins autistes. Il nous en arrive 3, 4, 5, 6, tout un paquet. Et moi, je campe dans un trou, là-bas, en bas. Et dans tous ces petits, tous ces gamins qui arrivent, là, qui sont là, il y en a un quand même, c'était pas facile, hein. Ils se foutaient des claques à longueur de journée, ils se balançaient des claques sur la figure, comme ça, sur la tempe. Ils hurlaient, ils gueulaient, tout ça. Et ça. Donc j'essayais de faire ce que je pouvais pour ne serait-ce déjà lui retenir le bras, parce que à force de se foutre des coups, il avait des bleus. J'étais pas loin de Graniès, là. Hein. C'était un moment où j'étais revenu à Graniès, j'avais 20 ans, et Deligny était censé... lui était vieux, hein. C'était le vieux, il avait 50 et quelques années, donc il était censé savoir, lui. Donc je vais le voir, et un peu perdu, quoi. Donc, comme toujours, Deligny l'esquive, et il me dit, t'as qu'à tracer. Ouais, tracer quoi? T'as qu'à tracer, tu traces les trajets, tu traces vos trajets, tu vois un petit peu, donc il lance ça. En fait, j'ai commencé à faire des cartes quand je suis allée au Céré. À une époque, j'allais au Céré pendant deux ans ou trois. Et au Céré, donc, c'est un lieu où il n'y avait pas de maison. C'était, Deligny appelait ça un territoire. Donc, c'était un espace sur quelques murettes, sur un hectare, disons. Et là... on avait commencé à installer des abris. Et des abris où il y avait un abri pour, par exemple, là où on faisait manger, un abri pour là où on lavait la vaisselle, un abri où on faisait la lessive, où on faisait les toilettes. Enfin, chaque abri avait une fonction. Et donc... en fait, c'est grâce aux cartes qu'on a pu établir ce fonctionnement dont je viens de te dire sur les abris. Et on s'est inspiré en même temps de choses que Deligny lisait. Il avait lu beaucoup de livres sur les tribus, les Dogons et les tribus en Amazonie. On lisait les livres circulés, donc on en avait lu pas mal là-dessus. Et c'était en même temps une mise en condition, et pour nous, et pour les gamins qui étaient là, qui amenait autre chose que des murs, et ce qui est évité d'ailleurs, qui se tape la tête contre les murs aussi. Il doit avoir à peu près ce que c'est qu'un territoire à peu près. Hein. Donc voilà, on a le lieu géographique du Céré. Je pars sur un truc bien précis comme ça. Et donc j'essayais de me tenir dans un endroit un petit peu à l'écart. Et puis de là, je pouvais voir les allées et venues des uns et des autres, et je pouvais donc l'enregistrer sur le papier transparent. Et donc il se trouve que on peut voir là nos trajets habituels, hein. Ça fait des grosses ornières dans le fond, dans la carte de fond. Puis là, par exemple, là, ce transparent. Alors, j'ai pas mes lunettes, mais si tu arrives à lire, ligne d'air. Bernadette. Voilà, Bernadette. Octobre 72. Mm-hmm. Donc, qui, elle, reste toujours au même endroit. Et bon, elle se balance. Et puis là, elle fait ses petits allers-retours. Et elle reste à cet endroit-là. C'est un endroit stratégique, en fait, où elle peut voir et d'un côté et de l'autre. Alors, on avait inventé des codes. Et c'est censé représenter le petit bonhomme Serge. Ça, c'est le fer. Ça représente... il fait quelque chose, quoi. Ça, il peut participer à faire des petites choses. Et c'est vrai qu'il parlait... mais il parlait comme ça beaucoup et il disait... il était capable de répéter une phrase, popo, pidou, il faisait, ou voilà, des petits morceaux de mots, ou de copeaux de mots qu'il prenait comme ça, et qu'il répétait sans cesse aussi. Tu traces la géographie, ça va, non, les pierres, machin. Puis bon, après, sur ce carton, on traçait nos trajets. Hein. Mais qui dit trajet suppose projet. Hein. Tu dessines le trajet, tu es là à l'attente, tu descends vers la rivière pour aller chercher de l'eau, et puis tu reviens, donc tu traces, ça descend. Et sur des papiers calques, hein, sur donc des transparents, par-dessus ce fond, on s'est mis à tracer ce qu'on a appelé des lignes d'air, air, errance, hein, E de 0. Parce que d'un seul coup, le mot trajet, ça collait pas, quoi. Quand on voyait la manière d'être, les comportements des gamins, on peut pas appeler ça un trajet. Bon, d'abord, souvent, ils stationnaient toujours au même endroit, donc hein, ils se balançaient. Donc, on dessinait comme une étoile, hein, à force. Plus le balancement était long et répété à un endroit, plus on traçait. Et puis, on peut pas dire que... Quand on a un trajet, je quitte la table, je vais à la cuisinière, j'y vais directement. Hein, je ne vais pas passer derrière le fauteuil, là-bas derrière, et puis faire trois fois le tour de la pièce. Alors que, d'un seul coup, dans leur déplacement, les gamins, c'était jamais évident. Hein, bah, ils allaient faire un détour. Des fois, ils faisaient le tour d'une pierre, et puis pour aller après là-bas dans une direction complètement opposée. Donc, tout ce qui était étrange, surprenant, on le traçait, consciencieusement, le plus scrupuleusement possible. Et c'était difficile d'appeler ça des trajets. Donc c'est pour ça que Deligny avait proposé ça, ligne d'air, parce qu'on ne sait pas vers où air, hein, air, errance. On parle d'air même pour les bateaux, dans les Landes, quand ils sont quand un bateau à voile, même quand il baisse ses voiles, il continue à avancer. Hein, ils avancent, on ne sait pas. On représentait en même temps, ils avaient beaucoup de gestes qu'on appelait pour rien. Des écarts par rapport à nos trajets à nous, il y avait toujours des écarts. Ils pouvaient aussi stationner, s'asseoir, toucher la terre ou l'eau. Ils aimaient bien aussi aller vers des endroits où il y avait de l'eau. S'il y avait des baquets d'eau ou alors un trou d'eau, ça dépendait des endroits. Hein. Ils aimaient bien aller tapoter jouer avec l'eau, voilà. L'eau, la terre et les plantes aussi. Et là, il vibre jusqu'à la moelle, comme une baguette de sourcils. L'eau, source, rivière, bassin, fontaine. Tous les points d'eau repérés, vibrés. Il arrivait que l'une ou l'autre d'entre nous l'accompagne, ce gamin. Jusque dans l'eau. Lui ne s'y mettait pas dans l'eau. Il regardait. Et nous y avons pensé, puisque d'autres, il n'y en avait pas pour lui. Comment faire pour nous faire eau à ses yeux? Donc, dans les lieux du réseau, les 5 ou 6 lieux du réseau qui étaient là, il y avait des moments, il y avait des lieux qui ne faisaient pas de cartes. Et il y avait des lieux qui étaient vraiment très intéressés par ce travail-là et qui, eux, par contre, faisaient des cartes. Et donc, ils venaient amener les cartes une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, à Granies, et donc je récoltais toutes ces cartes, on en discutait, et puis il y avait la séance des cartes, ramener les cartes, et puis après ils allaient voir Deligny. Après moi, pratiquement tous les jours, à 9h du matin, donc avec Deligny, je voyais les cartes avec lui de tous les lieux. Et puis d'un seul coup apparaît des choses. Hein, alors c'est pas extraordinaire, faut pas non plus en faire. Mais ne serait-ce que une des choses qui nous crève les yeux à longueur de journée pendant des mois et qu'on ne voit pas. Par exemple, d'un seul coup, s'apercevoir que dans ce campement, il y avait comme un gros cerne, enfin pas un rond parfait, mais comme un cerne, et que les lignes d'air ne dépassaient jamais. Hein? Donc toutes les lignes d'air des gamins étaient prises dans un espèce de grand, pas un cercle, oui, comme une aire. Hein, comme une... Et Deligny, qui n'avait jamais mis les pieds, pourtant c'était à 300 mètres en dessous, hein, mais lui, il venait jamais. Et il me dit, mais comme ça, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a là autour? Qu'est-ce qui fait qu'ils ne vont pas plus loin? Il y a des barbelés, il y a des murs, il y a des précipices. Je dis, non, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Donc c'est de là qu'est commencé à venir l'idée que... qu'on a essayé après dans des cartes, et même c'est pour ça qu'on appelait ça projet N, il y avait des cartes, on mettait des N, c'était nous, quoi. Qu'est-ce qui aimante, qu'est-ce qui retient ces gamins? Donc l'habitude des cartes, moi je déménage, je retourne là-bas au Céré, je suis au Céré, donc c'est 20 et 20 quelques hectares qu'on nous prête, où j'ai décidé de vivre 7 mois, 8 mois, le plus possible dehors. Hein, c'est les cartes qui nous poussent à ça aussi. En même temps, disons que les cartes, c'est pas qu'elles nous révèlent beaucoup. Enfin, elles nous révèlent, oui, si, on s'aperçoit quand même que ça se passe un petit peu autrement. Mais en même temps, ça pousse à vivre un petit peu, encore un petit peu plus autrement. Déjà, on vivait pas mal autrement. Mais encore à vivre un petit peu plus autrement. Et l'idée, par exemple, elle est à un moment de dire, bon, on reste pas plus de deux, puisqu'on a 25 hectares qu'on nous prête, on reste pas plus de 2 mois. Hein, on vit là, et puis hop, on déménage. Hein, on a une tente, tout est pliable, on déménage, on refait un autre camp. Et ce qui nous aide à déménager, parce que on essaye de pas non plus déménager pour déménager. Un, il y a l'eau, parce que on a une source qui tarie à un moment, puis après il y en a une autre qui retarie à un autre moment, puis après il n'y a plus de source pendant l'été, donc il faut aller vers la rivière, parce que là il y a plus d'eau, puis on peut remonter après. Il y a ça, et puis en plus, dans le même moment, on avait commencé à avoir un peu des chèvres, donc ça nous oblige un peu à bouger. En plus, après, moi, j'y suis plus. Hein. C'est mes frères qui ont 17-18 ans, qui prennent la relève, qui prennent le lieu à leur compte. Ils partent sur les 25 hectares garder des chèvres. Ils emmènent les gamins avec eux, évidemment. Ils emmènent des fois dans des sacs, une petite marmite, un machin. Et ils s'arrêtent volontiers aux anciens campements. Et, surprise, mes frères continuent aussi à tracer, quand même, en même temps qu'ils gardent les chèvres, et bon, soit ils gardent en mémoire et tout ça, et ils gardent les endroits où les gamins se tiennent plus volontiers et tout ça. 2 ans après, les gamins qui restent là quelques heures avec les chèvres se mettent aux mêmes endroits, se balancent aux mêmes endroits que 2 ans auparavant, et ce n'était pas les mêmes gamins, ils n'étaient pas là à ce moment-là. Voilà. Il y a des surprises, il y a des choses comme ça, et après, on s'aperçoit que de toute façon, quand on regarde bien la carte de fond et puis les endroits où, par exemple, les gamins se tiennent volontiers, en dessous, c'est les nœuds de trajet. Hein, c'est les gros nœuds. Quand je disais qu'il y a des choses qui nous crèvent les yeux, ça sous les yeux, notre appareil à voir, disons, ne nous permet pas de le voir, et c'est les cartes qui l'ont révélé. Qu'est-ce qui nous a poussé à vivre dehors? C'est que ça permettait d'étaler les choses. T'as une cuisine d'HLM, elle n'est pas grande. Hein. T'as une famille nombreuse dans un HLM, je veux dire, la cuisine, la table de la cuisine, si tu fais la somme des choses, bon, c'est des cartes, hein, c'est le vivre avec des autistes qui m'ont... en général, on s'en fout complètement. Imagine tout ce qui se passe sur une table. Hein, du petit déjeuner, préparer les repas, repasser le linge, le père qui fait son tiercé, les devoirs le soir. Hein, c'est comme un millefeuille, là, hein, de choses. T'as un gamin autiste... T'imagines, sur cette petite surface, le nombre de trucs, et à quoi il peut se repérer, quoi. Au bout d'un moment, c'est sans cesse un machin qui s'y met, qui s'y repart, qui... Bon, il a repéré, mais les choses sont sans cesse bouleversées, changées. Alors, je ne dis pas qu'on est parti d'une table de cuisine de HLM, mais les cartes nous ont poussé à aller beaucoup plus loin, et alors, au lieu d'avoir une table, hein, où il se passe 10 choses, et bien on s'est dit, bah tiens, on va mettre 10 tables. Hein. Donc quand tu es dehors, tu peux mettre facilement 10 tables, même si ce n'est pas des tables, c'est une grosse pierre plate, une vieille porte récupérée posée sur, sur 3 piquets. Et c'est vrai que tout ça, nous, les cartes nous ont poussé à tout ça. Et pendant longtemps, quand on campait, ça ne veut pas dire que c'est comme ça qu'il faut faire. Ça fait bien apparaître bien plus les choses, quoi, hein. Ça révèle beaucoup plus les choses. Je ne dis pas qu'il faut 10, pour vivre avec un autiste, il faut 10 tables. Mais d'un seul coup, 4, 5, 6 gamins qui avaient l'air complètement paumés suivaient tout ce qui se faisait et puis venaient rectifier quand une chose n'était pas bien mise au bon endroit, quoi. On avait été, voilà, mais c'est les cartes qui nous poussaient à tout ça. En même temps, c'est les cartes. Et puis, là, c'est encore une proposition de Deligny. Je vis quasiment seul pendant longtemps avec des gamins autistes. Et puis, vient mes deux frères. C'est pas pareil, hein. Quand t'es un tout seul, parlant, hein, personne parlante, avec des gamins autistes, bon, bah, tu t'arranges, tout ça se met bien en place, ça fonctionne. Moi, je leur parle pas, ils me parlent pas, je fais attention à tout. D'un seul coup, t'es trois parlants, là, et en plus des frères. Hein, bon. Donc, un coup, il y a Gisèle qui vient en mobilette, donc du coup, je vais voir Deligny, je l'avais pas vu depuis des mois. Mais il dit, mais écoute, là où ça frotte, hein, où ça frotte dans les petits moments du quotidien, là, que ça, vous n'arrivez pas à vous mettre un peu d'accord sur tout ça, tu fais une planche. Hein, tu fais une planche et puis tu traces un petit peu sur la planche. Parce que bon, les cartes, on avait au bout d'un moment, on n'avait pas fait que les trajets. On avait essayé de faire les gestes aussi, hein, nos gestes quotidiens pour laver la vaisselle. Donc, ça avait des espèces de volutes, là, des espèces de tracés. Peut-être chaque fois que vous allez faire quelque chose de différent, d'aller couper du bois, d'aller faire la vaisselle, d'aller laver du linge, ben à la clé, il y a une planche, hein, où il y a le tracé des gestes, et puis avec ces planches, ben on l'avait accroché à une espèce de cadre en bois qui faisait radeau, là. On avait dit donc un grand cadre en bois, au lieu qu'il soit à plat, on l'avait mis vertical, tenu par des cordes, et puis il y avait chaque planche du quotidien. Et autour, on a mis des grosses pierres avec un ou deux objets essentiel de chaque petit moment. C'est-à-dire, il y avait la planche pour aller couper du bois, et puis il y avait la scie et la serpe sur la planche. Mais nous, on a dit, bah tiens, on va, avant que quelque chose démarre, on va faire un détour, on verra bien. Hein. Donc le détour, c'était passer par cette espèce de grand radeau qu'on avait fait, là, de ce grand bâti en bois avec les planches. On prend la planche chaque fois de la chose qu'on va faire. Et du coup, ça allait mieux, ça ne venait plus. Les gamins autistes, les enfants avec qui étaient là, enfin qui sont toujours là, ont des gestes et des détours, des gestes étranges, hein, des gestes ou des mouvements. Donc nous, on s'était dit, mais dans nos gestes à nous, on va mettre aussi des détours, hein, on va orner nos gestes, on va faire quelque chose en plus. Hein, et on verra bien si ça fait signe, si on peut dire, s'il y a quelque chose qui se passe. À de rares moments, il s'est passé des petits trucs. Hein, de ne pas s'adresser directement à eux, qui pour beaucoup d'ailleurs ne supportaient pas qu'on les regarde, qui ne supportaient pas qu'on s'adresse à eux, ne supportaient pas jusqu'au point, pour certains, de se mutiler ou de se taper la tête sur un mur. Donc, dans nos gestes quotidiens, c'est ajouté, nous avons ajouté taper sur une marmite, sur une pierre, sur je sais pas quoi, et encore dans le film on voit pas tout, hein, il y en a eu d'autres. Je Donc avec Jean-Marie, c'est vrai que avec moi, bon, il avait toujours un crayon, du papier, et que ce soit aussi avec Christophe, avec tous les ceux qui étaient à Grand-Niès, ben, ils étaient là à côté. Moi, je faisais des cartes, ils étaient là à côté, ils traçaient. Enfin, ça a fait partie vraiment d'un quotidien jusqu'à aujourd'hui, hein, comme tu peux le constater. Des fois, c'est un travail, en fait, à quatre mains. Parce que je prépare des fonds. À partir de ce fond, Gilou trace. Voilà. En fin de compte, c'est vrai qu'ils sont plus dans la trace que dans la réalisation de quelque chose de... dans les couleurs, les volumes. Et donc, les outils que je lui présente, c'est plus des... pointes métalliques ou des qui vont graver dans la couleur, quoi, dans la pâte acrylique encore toute fraîche. Donc là, il n'y a plus de nous, ni de tu, ni de il, ni de je, ni de... Enfin, voilà. Et ça, je trouve ça vraiment... enfin, j'ai un grand plaisir à le faire, justement. Parce que je trouve qu'il se passe quelque chose. Et puis, eux le font avec plaisir aussi. C'est quelque chose d'inné qui vient plus de l'intérieur, de la nécessité de faire, de tracer, de manier, de... un geste, quoi, voilà. Qui, là, on rejoint un petit peu, voilà, le commun, ce qu'il y a de commun à l'humain. On peut dire que chez les autistes, il y a quelque chose de l'origine de l'homme, peut-être. Enfin, on peut, disons, peut-être y voir des bribes, comme ça, de l'origine de l'homme. Oui, parce que on va regarder tout à l'heure les tracés de Jean-Marie. Et... il y a quand même des pictogrammes, enfin des choses que l'on retrouve chez des peuplades. Où il y a quand même ces gestes-là. Tiens, voilà, ça c'est un tracé de Christophe. Où c'est quand même étonnant, hein. Ce geste réitéré de petites vagues... on ne sait pas comment le décrire, même pour la radio, là. En fait, ça peut faire aussi penser à... tu sais, quand on enregistre les rythmes cardiaques, là, les... je ne sais pas comment on appelle ça. L'électrocardiogramme. Oui, voilà. Ou un sismographe. Aussi. Voilà, un sismographe, oui, plutôt ça, oui. Oui, ça fait cet effet-là. Tout petit, et puis tout serré, tout rapproché. Ouais. Et après, ça peut ressembler à des montagnes, un peu. Voilà, Jean-Marie, 8 novembre 2001, il a commencé à faire son... enfin, je lui ai proposé un petit album, là, de croquis. Et donc, voilà, ce qu'il a fait, c'était, on peut dire, une espèce de journal. Alors qu'il était quand même déjà assez malade.